Ah, mais tu sais ce que j'aime, moi? J'adore dans la rue quand je vois des mecs célibataires avec des enfants. Tu sais, ils sont là comme ça, ils gèrent, Ouais. ils sont, je sais pas, c'est sexy quoi. En même temps, ils montrent qu'ils ont pas peur de s'engager. Et ça, c'est hyper sexy, tu vois? Bah non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Sophie, elle est célibataire, elle a un gamin et elle trouve pas de mec. Mais oui, parce que ça marche pas pour les meufs. Mais non, les meufs, elles sont là, elles ont même pas le temps de draguer, elles sont trop occupées avec leur gamin. En plus, il y en a tellement, on les voit même plus. Elles sont transparentes. Et elles foutent les jetons parce qu'elles symbolisent l'engagement. Et ça, les mecs, c'est no way pour eux. Ouais, enfin Voilà. bon, moi si j'ai pas de gamin, je peux pas avoir de meuf. Et si j'ai pas de meuf, je peux pas avoir de gamin. Eh ben, t'as qu'à emprunter celui de Sophie pour l'après-midi. Ah oui, bonne idée. Ben voilà, appelle-la. Dans un magazine féminin, on pouvait lire en gros titre Gilet jaune, le chauffage ou la semaine de colo, le choix impossible des mères célibataires. Aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce le SECAL. Le SECAL, c'est l'acronyme pour dire un service de créance alimentaire. Alors, autour de la table, il y aura Sarah Fanny, Soumaya et Chantal qui racontent directement leur expérience avec ce service de créance alimentaire. Il faut savoir que c'est une histoire de gonzesse, un combat de femmes, vraiment, hein, c'est pas, on pourrait sortir, parce que je m'entends après dans le micro ouvert dire « Je n'aime pas faire des généralités », ben c'est comme ça, c'est la majorité des femmes. Oui, je me fous de moi-même, hein, j'espère que vous comprenez, je me fous de moi-même, je vais à la rencontre de ces femmes, et puis après, ben, je fais un petit peu de recherche, je fais un... Et ben oui, et du coup, ben, c'est une histoire de femmes, quoi. C'est plus les femmes qui se retrouvent à devoir gérer les enfants toutes seules, sans les hommes. Voilà, on ne sait pas pourquoi, comment ça vient. Oui, évidemment qu'il existe aussi des hommes qui se retrouvent à devoir gérer les enfants tout seuls, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et donc, c'est un combat de gonzesses, c'est un combat de femmes. Et Vie féminine a mené ce combat, voilà. Et le 21 février 2003, une loi créant un service de créance alimentaire, donc le SECAL, est adoptée. Youpi! Elle prévoyait la mise en place d'un service universel d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires non ou mal payées sans restriction pour les ex-conjointes, hein, conjoints dans le besoin et leurs enfants sans limite de revenus et quel que soit le pays où se trouve le débiteur. Malheureusement, cette loi fut modifiée à plusieurs reprises et vidée de son objectif initial, être un service accessible à toutes. Et tous. Donc le SECAL ouvre le 1er juin 2004 avec commission de récupérer auprès des débiteurs le montant des pensions alimentaires et ensuite de les reverser aux créanciers, créancières. Depuis le 1er octobre 2005, le SECAL peut faire des avances sur pensions alimentaires dues aux enfants seulement. Un plafond qui empêche d'accéder à ses droits. Le paiement d'avance réservé aux pensions des enfants est conditionné par un plafond de revenus du créancier. 1 800 euros par mois plus 70 euros par mois enfant à charge. De même, le montant de l'avance est plafonné à 175 euros. Pourtant, tous les enfants ont droit à ce que leurs deux parents les entretiennent proportionnellement à leurs revenus. À partir du moment où une décision judiciaire a été prise, la pension alimentaire est un droit pour tout enfant, quels que soient les revenus de la personne qui en a la charge principale. Les bénéficiaires du SECAL comptent plus de 90% de femmes qui introduisent un dossier pour la pension alimentaire de leurs enfants. Lorsqu'elles ne peuvent percevoir d'avance, elles continuent à assumer financièrement seules tous les frais d'éducation et de soins. Ce plafond a des conséquences sur elles. Ce système de plafond stigmatise les femmes. Elles doivent prouver qu'elles sont dans le besoin alors qu'elles ne font que chercher à faire appliquer le droit civil de leurs enfants. Il est fixé arbitrairement, sans tenir compte du coût de la vie, des frais de logement, des frais et difficultés accentuées dans les situations de monoparentalité, garde, aide ménagère, difficultés de conciliation entre la vie de famille et la vie professionnelle, etc. Que deviennent les familles monoparentales dont le budget serait en équilibre si elles touchaient leur pension alimentaire? Mais dont les revenus sont tout juste trop élevés pour bénéficier des avances du SECAL. Beaucoup, malgré un salaire jugé suffisant, vivent avec leurs enfants dans la précarité. Il a un effet pervers sur la remise à l'emploi des chômeuses ou des bénéficiaires du revenu d'intégration. Si le fait de travailler augmente leurs revenus, elles n'ont plus droit aux avances du SECAL. Il s'agit alors d'une situation de piège à l'emploi. Le plafond empêche aussi les femmes de progresser dans leur carrière, car une augmentation de salaire peut leur faire perdre le droit à l'intervention du sécal, sans pour autant que cette augmentation salariale ne vienne couvrir cette perte de revenus. Le plafond pénalise les travailleuses à temps plein en leur imposant de choisir entre emploi et droit à la pension alimentaire. Conformément à la loi de 2003, nous demandons que le service d'avance du sécal bénéficie à tous les ayants droit sans plafond de revenus. C'est un droit. Voilà, il y a une pétition qui circule. Allez checker et signez-la vraiment. Micro ouvert. Rencontre dans une maison, dans la maison de Chantal. Chantal m'a appelé par téléphone, par mail. Ça y est, on s'est organisé avec son petit chien là qui me regarde. C'est pas le sien. Chantal, tu peux expliquer l'objet de notre rencontre ici, parce qu'il y a aussi il y a d'autres gens autour de la table, mais on va les présenter après. On commence avec Chantal. Pourquoi on se rencontre ? Mais en fait, on est là un peu, moi en tout cas surtout aussi, pour l'injustice contre la discrimination des femmes qui travaillent et qui n'ont pas droit à des aides sociales. Parce qu'on estime qu'elles ont un temps plein et voilà que beaucoup d'aides sociales sont plafonnées à des revenus et que du coup on ne peut pas en bénéficier quand on est séparé et qu'il y a un jugement du tribunal par rapport à la pension alimentaire pour les enfants et que les pères ne payent pas. Oui, on va se concentrer parce que quand tu parles d'aide sociale, les gens vont pas comprendre. C'est pas spécialement, oui, c'est une aide sociale, mais ça s'appelle le sécal. Est-ce que quelqu'un peut expliquer l'acronyme sécal? Ça veut dire quoi? Service créancier. Le service créancier et le AL. Le sécal, c'est un organisme. Oui, c'est un fonds de l'État en tout cas. On va regarder ce que ça veut dire le sécal, mais autour. Service des créances alimentaires. Donc c'est le service des créances alimentaires de Belgique. Ok, d'accord. Qui a été créé, si j'ai vu, en 2003, j'ai vu ça, que ça a été créé. Vous savez, ça a été créé par qui ? Ça a été créé par une dame, je ne sais plus le nom, en tout cas qui faisait partie de Vie Féminine, qui est maintenant à la retraite. Et elle a fait ça en 2003, effectivement, dans le cadre de Vie Féminine pour... Elle comparait par rapport à tous les pays européens. Elle voyait qu'en France, en Hollande, etc., il y avait ce système de récupération des créances alimentaires non payées. En Belgique, pas. Et donc, ça a été une nouveauté en 2003, mais je ne sais plus son nom. J'aurais peur Christine de... Wex. Christine Wex, voilà. Ben voilà, on va démarrer. Et c'est vraiment un micro ouvert avec des femmes ici autour de la table. On vous appelle comment ? Sarah. Fanny. Et Soumaya. Voilà, donc Chantal, Sarah, Fanny et Soumaya. Et on vous rencontre parce qu'en fait, vous avez un point commun, c'est voilà, comment ça s'appelle encore ? Ce sécal. C'est ça qui vous relie. Tout à fait. Et vous allez un peu expliquer. Alors, on s'est rencontrés, pour résumer, je faisais des recherches bêtement sur Internet où je me posais la question comment passer au-delà de ce sécal quand on ne perçoit pas de pension alimentaire. Et en faisant mes démarches, je tombe sur Afida Bachir. Ouais, mais comment tu as été au courant qu'il y avait le sécal ? C'est ça que tu expliques en fait, parce qu'à la base, tu n'étais pas au courant. Si, j'étais au courant qu'il y avait le sécal. Mais comment tu étais au courant à la base ? Parce que j'ai fait une demande, moi, au sécal, qui a été refusée. Oui, mais comment tu savais que ça existait, ce fonds ? À l'arrière du jugement, c'est indiqué. Je le savais tout simplement parce que un an avant, ouais, c'est peut-être hallucinant ce que je vais dire, mais moi, j'ai été saisie sur mon salaire parce que mon ex-mari ne payait pas les pensions alimentaires de son ex-femme. Oui, mais si. Et donc, il n'y a pas de contrat de mariage, donc vous êtes solidaire de monsieur. Ouais, c'est un gros lol, mais c'est la véritable... Mais t'as vraiment de la chance, toi. Oui, c'est pas possible, ça. J'ai été bénie des dieux à ce niveau. Et donc, quand je fais ma recherche, j'envoie au sécal. On me dit que je peux pas, donc je tape sur Internet. Et là, je tombe sur Afida Bachir, où j'envoie un petit mail. Je pense pas avoir de réponse. Une semaine plus tard, cette dame me demande de la rencontrer à Vie Féminine. On a une petite discussion et elle me dit qu'elle est heureuse de me rencontrer parce que, juste avant, elle avait mis ce projet de côté et... qu'elle souhaitait le relancer et que ça tombait bien que je vienne la voir. Et donc de là, moi, j'ai essayé de créer ce groupuscule autour de moi, d'essayer de faire une annonce sur Facebook pour toutes les femmes qui sont dans le même cas, qui ne perçoivent pas de pension alimentaire et qui, à côté, vivent aussi l'abandon des enfants. Parce que... Mais quand on dit pas de pension alimentaire, ça veut dire que, bon, normalement, pour faire un enfant, il y a monsieur et madame, et qu'il y en a un des deux, pour qu'on comprenne bien, tu vois, pour que ce soit... Et il y en a un des deux, ben, qui ne veut pas, qui ne peut pas, on dit ça, on comment on divorce de son propre enfant. Tout simplement. On ne divorce pas des enfants. On peut divorcer de la femme, mais pas des enfants. Donc ça, je trouve ça très grave, parce que c'est comme un... Je veux dire, c'est comme un bail à mi-temps ou un bail à durée déterminée. Mais bon, on continue. Donc, on t'es d'accord avec ça ? Il y a des Bien sûr, tout à fait. Après, on pourrait réfléchir sur des femmes ou des hommes qui ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'ils... Enfin, voilà, après, c'est toute une question. Il y a une solution. Quand les hommes ne peuvent pas payer, par exemple... Il y a le CPS, pour les gens qui, par exemple, touchent le CPS avance l'argent, en tout cas c'était comme ça à l'époque, et normalement pour ceux qui ont encore ce revenu-là, ça se passe comme ça, donc on avance cet argent et on la verse. Une personne qui ne peut pas payer faute de moyens et qui est vraiment sincère, là à ce moment-là, ne serait-ce qu'il s'arrange de temps en temps et qu'il vienne voir son gamin et qu'il dit « voilà, je peux t'aider avec ce que je peux », là on sent que le père est investi. Okay, okay. Par contre, le père qui fait tout pour organiser son insolvabilité comme le mien, honnêtement, qui travaille à plein temps, qui gagne plus de 3000 euros. Et comme par hasard, après le jugement, quand il est condamné à payer une telle somme, ne travaille plus. Donc inconnu au bataillon, n'a plus de salaire, ne touche pas de mutuelle, pas de chômage, pas de CPS. Là, on se dit que c'est vraiment gros et que c'est pas normal. Voilà, là, je comprends pas comment c'est possible. Donc vous avez 3 enfants ensemble, vous divorcez. Il a jamais... ça fait combien de temps maintenant que... On est séparés depuis 3 ans. J'ai obtenu mon divorce qu'au mois de janvier. À nouveau, pour le faire signifier, ça coûte. Là aussi, le problème de signification pose un souci parce que quand on divorce, on ne nous dit pas que la suite du divorce, c'est de faire signifier un jugement. Signifier un jugement, c'est-à-dire mandater un huissier qui va personnellement chez la personne et qui lui stipule qu'il est condamné à payer tel et tel. Même si la personne a été au tribunal et qu'il est censé le savoir, la loi prévaut qu'il doit l'avoir de main en main. Comme ça, on ne peut pas dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Il le sait de manière formelle. Et donc, si moi, je ne fais pas signifier ce jugement-là, et que l'autre personne ne veut pas le signifier aussi, faute de moyens. Et que l'autre personne essaye de parler. Et ton mari, par exemple, parce que sinon, on se perd. Exactement. Si moi, je ne fais pas signifier ce divorce-là, et que mon mari ne veut pas le signifier non plus, alors on reste marié. Donc le jugement de divorce n'a pas de sens. Donc on reste, vis-à-vis de la loi, marié. Donc moi, c'était à mon avantage de divorcer, parce que... Il fallait que je reprenne ce statut de mère célibataire avec les enfants. Et puis pour aussi voir l'avenir, un nouvel avenir. Je ne peux pas rester célibataire et puis accrochée à quelque chose de... Et donc, quand je demande à mon avocat, je dis « c'est pas normal, est-ce qu'on ne coupe pas la poire en deux, étant donné que le divorce, c'est nous deux ?» Elle me dit « si monsieur ne paye pas, vous restez à ce stade. » Donc là aussi, je n'ai pas cette somme, ça coûte 350 euros. Si monsieur ne paye pas quoi ? Le divorce ? Si monsieur ne paye pas la signification du divorce. Voilà, parce que tu vois, moi, je ne suis pas... pour divorcer, il faut payer. Pour payer, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il ne peut pas se remarier. Il ne peut pas refaire sa vie non plus. Non, il peut vivre en concubinage ou autre, mais un deuxième mariage, non, fatalement, parce que tu dois d'abord divorcer, que ça doit être acté à la commune. Donc, la commune aussi, ça prend une période, je crois, de 4 à 6 mois. Avant que ça soit acté dans le côté administratif, où là, sur votre carte d'identité, on vous dit « vous êtes officiellement divorcé ». Et donc, de ce fait-là, on doit reculer l'échéance de la signification, on doit mettre de côté. Comme on n'a pas d'argent, on doit essayer de cotiser cette somme-là. Une fois, moi, que je l'obtiens, je fais signifier le divorce, je fais un dossier au SECAL. Donc, excuse-moi de couper chaque fois, mais c'est obligé pour bien comprendre. En fait, pour avoir droit au SECAL, c'est cette base-là qu'il faut avoir. Si jamais vous êtes marié avec quelqu'un, il faut avoir ce papier. Marié ou pas ? Je n'ai pas été mariée. Moi non plus, je n'ai pas été mariée. Mais mes amis ne sont pas mariés, mais de toute façon, pour prétendre au SECAL, le SECAL demande l'original, ce n'est pas une copie, l'original de la signification du divorce. Si vous venez avec une copie, c'est refoulé. Là aussi, c'est un combat administratif de dingue. Et puis, on vous fait venir droite, gauche, pour au final vous dire que vous ne pouvez pas y prétendre. Donc, moi, ils ont fait le calcul. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas y prétendre. Vous dépassez le barème de 20 euros. De 20 euros. Ce n'est pas 50, ce n'est pas 60. Et donc, quand je cherche... les raisons en disant oui, écoutez, moi j'ai un problème aussi, c'est que je suis en règlement collectif de dette, donc est-ce qu'on pourrait pas prendre le revenu réel, parce que finalement c'est pas mon revenu, enfin ce salaire-là je le perçois pas. Et là on me dit que non, c'est le revenu, enfin on se base sur l'avis d'extrait, enfin l'extrait d'imposition. Donc voilà, l'avertissement d'extrait de rôle, et donc là on se tient au revenu annuel. Voilà, pas de chipotage. Bah, donc de ce fait-là, moi il me reste une option. C'est de signifier, enfin, le SECAL m'informe que vous avez la deuxième option, c'est de faire signifier votre jugement par un huissier. Ok, c'est une bonne chose, seulement l'huissier, c'est payant, c'est pas un service gratuit. Et avoir la copie conforme du jugement, c'est payant, c'est 3 euros la page. Donc moi, ça fait quand même 10 ans que je prends des copies conformes que je dépose au SECAL. Et à l'époque, c'était 1,50 euros, et à l'heure actuelle, c'est 3 euros. Par page. Donc, si on n'a pas cette somme-là... Ouais, tout est payant quoi, dans ce, voilà, dans ce monde. Exactement. Et donc, bah, au niveau de l'huissier, moi, je me suis dit, bon, bah, 350 euros, on va voir avec l'huissier. Seulement, l'huissier m'a demandé 500 euros voilà, pour signifier ce jugement. Mais il faut savoir que 500 euros, c'est le prix qui a été fait pour moi. Si maintenant, vous avez deux jugements, par exemple, un jugement famille et un jugement qui fixe juste la pension alimentaire, ça fait deux jugements, donc vous devez multiplier par deux. Donc, je n'ai pas cet argent-là. À nouveau, je dois pousser à échéance en me disant ben, « je dois encore cotiser ». On ne peut pas faire appel à la famille parce qu'à un moment donné, ce n'est pas non plus des banques ambulantes. On a aussi cette fierté de se dire « on ne va pas à chaque fois mendier ». J'ai demandé la gratuité au niveau du tribunal. Vu ma situation, on m'a dit que je ne peux pas prétendre à la gratuité pour faire signifier ce jugement. Les gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui sont au CPS, eux ont la gratuité pour signifier ce jugement. Donc, ils ne payeront jamais les 350 euros. Donc, encore à nouveau, nous, les femmes qui travaillons, voilà, on est marqué à Croix-Rouge, là, au fer rouge, c'est voilà, tu travailles, tu peux prétendre à zéro gratuité. Donc je signifie finalement ce huissier-là et je me dis, allez, jackpot, parce que là, ça va être des saisies sur salaire ou autre et je vais enfin pouvoir souffler, pouvoir éduquer mes enfants et voir un peu revenir. Et finalement, non. Parce que l'huissier me dit, bah, on est au regret de vous dire que monsieur ne perçoit pas de CPS, ne perçoit pas de chômage, ne perçoit pas d'allocation, enfin quelconque revenu. Donc monsieur, officiellement, est insolvable. Donc je dis ok, je renvoie un courrier à l'huissier. Et on fait quoi maintenant? Bah, on clôture le dossier, madame. Donc ils ont les 500 ou 400 euros de ma part. Voilà, donc on leur en fait cadeau. Mais nous, de notre côté, bah, on n'a plus rien en fait. On a rien de retour. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à un moment donné? Pas de sécale, quoi. C'est ça, la conclusion, ouais, c'est que voilà. Pour finir, madame, désolée. Et donc, quand on retourne vers l'avocat, on lui dit, voilà, pas de sécale, pas de... Le huissier dit qu'il est insolvable, pas de saisie sur salaire, parce que les autres personnes qui auront plus de chance, si le mari travaille, l'huissier, par exemple, une femme qui ne peut pas percevoir le sécale parce qu'elle dépasse le barème, elle fait appel à un huissier. Si monsieur travaille, bah, c'est la même chose, parce que le huissier va venir saisir le salaire, le pécule et tout de monsieur. Donc finalement, elle est gagnante, elle va retrouver, elle va récupérer cet argent qui n'est pas revenu. Par contre, à mon niveau, bah, l'avocat me dit, écoutez, bah, on va jouer la dernière carte poker. Et c'est quoi cette dernière carte? C'est de retourner à nouveau à la police, de déposer plainte pour abandon familial. Quand vous allez au commissariat aussi, il faut savoir que les agents de police sont fatigués. Ils nous expliquent que bah, vous n'êtes pas la première, madame, vous n'êtes pas la dernière, mais honnêtement, ça ne va jamais aboutir. On insiste, on se dit quand même c'est la procédure, on est obligé d'avoir ce papier-là. Donc il acte quand même, avec beaucoup de recul, il acte la plainte, tout en nous disant que honnêtement, très peu de cas arrivent à cette issue. Mais bon, comme on insiste, il le fait. Et moi, je suis pour ma part à la deuxième plainte d'abandon familial, et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été inquiété, parce qu'on parle hein, de manière officieuse, parce qu'honnêtement, mon avocat me dit que ça s'est fait très peu, qui sont passibles de prison, qu'on parlait à l'époque de retrait de permis, à l'heure actuelle, c'est plus d'actualité. Donc au final, moi, ce que je retiens, le bilan que je fais, c'est qu'effectivement, bah, monsieur, s'il a envie d'organiser son insolvabilité en toute impunité, il n'est pas poursuivi par la police, il n'est pas poursuivi par le tribunal, il n'est pas poursuivi par le SECAL. Et donc finalement, je reste moi avec ce manque, non seulement le manque affectif des enfants, parce qu'à un moment donné, on se pose la question, il est où papa? Qu'est-ce qui fait papa? Les enfants, il y a un mal-être profond. Donc on doit jongler, être maman et papa, mais on n'a pas à être papa au final. On a deux parents, quoi. Et on ne peut pas, à un moment donné, pousser une personne qui est défaillante à devenir père ou à devenir mère. Si à partir du moment, pour lui, le divorce, ça veut dire j'abandonne mes enfants, c'est son affaire. Moi, mes enfants, je les ai, c'est un capital, c'est à vie. En revanche, ce que je reproche et ce que je souligne et ce que je trouve regrettable, c'est qu'au niveau de la justice, pour moi, hein, je le dis sans langue de bois, la justice est responsable de tous ces manquements. Aujourd'hui, c'est pas une mère, c'est pas deux mères. Il y a plein de femmes qui sont dans le silence, qui n'osent pas parler par peur de représailles ou autre. Mais la genèse, ça vient de ça. Ça vient du tribunal. On nous demande au tribunal de venir, de demander effectivement ce divorce ou pas par rapport aux autres. On condamne une personne. Donc, quand on dit on condamne, ça veut dire que quand même, vis-à-vis de la loi, il doit. Et le mot condamné, c'est quand même qu'il y a une peine derrière. Ça appelle à une peine. Et finalement, tout ça, c'est que de la théorie. Parce qu'en pratique, les films diront si je me trompe, dans tous les cas, là de figure, il n'y a rien comme représailles, il n'y a rien. Donc effectivement, oui, si on regarde de l'autre côté, bah, ils vont se dire, bah, qu'est-ce que je risque ? On vient chez moi, oui, je suis insolvable, j'ai rien. La plupart, ils n'ont pas de biens immobiliers ou autres. Donc ils continuent leur petit bonhomme de chemin et finalement, eux, ils s'en tirent haut la main parce qu'ils n'ont pas les enfants, ils ne les gardent pas, ils n'ont pas ce problème de soucis financiers. Et un autre problème que je trouve ça grave, c'est par exemple moi, mes enfants n'ont pas cette carte, ils sont pas encore âgés pour avoir la carte de 12 ans. Quand moi, je vais à la commune, ou pour demander un passeport, on me dit, il faut l'autorisation de monsieur. Ok, madame, mais moi, monsieur a changé de numéro de téléphone, je ne sais même pas où il habite, c'est ça le comble, hein, je ne sais même pas où il habite. Oui, mais madame, vous ne devez pas avoir l'autorisation de monsieur. Donc j'essaye par tous les moyens d'envoyer courrier, le courrier revient pas à la bonne adresse, maintenant je sais où il habite, mais ça ne sert à rien, parce qu'il a tout, il a tout bloqué. Donc il bloque même son téléphone. Donc, quand on bloque le téléphone, ça veut dire je fais table rase du passé. C'est hallucinant. Hein. C'est quand même dingue, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Parce que moi je ne vais pas rentrer dans... Mais c'est vrai, on a les femmes, on a les enfants. Et c'est vrai que c'est souvent la... C'est comme si c'était la responsabilité des femmes avec leurs enfants. Voilà, et les hommes... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va présenter, parce qu'il faut un PV, le fait qu'il n'est pas venu chercher les enfants ou qu'il ne veut plus chercher les enfants... On doit se présenter avec nos enfants. Donc, vous imaginez, toutes les un week-end sur deux ou au bout d'une semaine, aller avec ses enfants, se présenter. Donc, nous. Mais se présenter, j'ai pas trop compris. Se présenter au commissariat pour faire constater que le père a abandonné les enfants, que le père ne respecte pas le jugement qu'il a eu. Et que nous, ce qu'on veut, à l'heure actuelle, c'est qu'on ne veut pas faire du commissariat. Pour nos enfants, un deuxième lieu normal. Ça doit rester quand même dans quelque chose d'important. Et voilà, c'est tout le temps, nos enfants, il faut qu'on soit homme, femme, père, mère. Donc, quelque part, le mauvais côté, normalement, la maman doit être le côté cool, baba cool, etc. Le père strict, l'éducation. Nous, à l'heure actuelle, c'est qu'on a les deux. Mais ça, c'est faut faire gaffe parce que ça fait les vieilles images. Ce qui est important, c'est qu'on est deux au départ à faire des enfants et qu'il y en a un des deux qui s'occupe de rien, quoi. Et donc c'est l'autre qui doit prendre tout. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. C'est ça que vous expliquez. Mais, hein. Mes propres enfants, ils appellent leur père le géniteur. Donc comme ça, c'est clair, ça veut tout dire et c'est triste. Ça fait 10 ans, mes enfants ont aujourd'hui 14 et 13 ans. Ça fait 10 ans, ils avaient 4 et 3 ans. Donc, ils avaient 4 et 3 ans quand il s'est plus occupé du tout des enfants par rapport à la pension alimentaire, donc ça a été joué de tribunaux en tribunaux, tribunaux en tribunaux, je respecte, je ne respecte pas, etc. Monter, descendre, une pension alimentaire qui va de... il y a 10 ans, c'était 100 euros. À l'heure actuelle, par enfant, c'est toujours par enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 euros par mois, par enfant? Voilà. À l'heure actuelle, ce sont des ados. C'est toujours 100 euros. Il y a eu un nouveau jugement qui est tombé. J'ai droit à 190 euros. Et le CECAL ne me donnera pas 190 euros par enfant. Parce qu'il y a aussi un plafond dans les pensions alimentaires, c'est de 175 euros seulement, au lieu de 190 euros. Donc avec 175 euros, dans une garde exclusive, c'est-à-dire 365 jours sur l'année, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des ados, il y a des chaussures, il y a des... Voilà, on ne veut pas faire de différence par rapport aux autres enfants, mais malgré tout, c'est le cas. Oui, c'est dingue ces histoires de... Est-ce que ça arrive? Non. Ce que je trouve, c'est que je crois que ce constat-là, Il aurait dû... ils l'ont tiré depuis longtemps, en matière d'avocat, magistrat, etc. Ils sont au courant. Enfin, je veux dire, il ne peut pas faire en même temps les aveugles et dire, effectivement... Je pense que pour eux, ça devient un leitmotiv et c'est tellement normal que finalement, on fait des jugements, on les rédige et puis on vous laisse, entre guillemets, traverser la porte en se disant, celle-là, on sait effectivement que son mari ou son concubin a été condamné à autant, elle reviendra par la suite. Moi, pour ma part, j'ai été... Elle reviendra par la suite. Oui. Quand je dis elle reviendra par la suite, c'est parce que moi, pour ma part, après un an de procédure, de va-et-vient au commissariat ou autre, j'arrive au point où j'ai craqué, littéralement, que ce soit moralement, physiquement. Et donc, j'ai été voir le chef de corps en lui disant, mais ce papier-là que vous nous donnez, il sert à quoi? Mais vraiment, de manière polie, mais fâchée, en disant, vous nous donnez un papier, vous nous condamnez. Vous condamnez monsieur à payer et au final, il ne se passe rien. Moi, ça fait pour ma part plus de 3 ans que je ne touche pas un copec. Et à quoi ça sert en fait d'avoir ce papier-là? On le met aux archives, on en fait quoi? Et c'est là qu'il m'annonce, écoutez, vous pouvez faire appel au pénal. Monsieur pourrait être condamné au pénal. Oui, mais monsieur, moi, mon avocat ne me l'a pas dit, ça c'est quoi le pénal? Il me dit, ça c'est le juge, je pense, si je ne me trompe pas. C'est le juge lui-même qui statuera du sort. Donc on arrive à ce stade-là, donc d'après ce qu'il m'explique, il sera condamné d'une amende pénale ou autre, mais au niveau des enfants, là on revient à nouveau, au niveau des enfants, est-ce que quelqu'un va le condamner pénalement d'avoir fui ses responsabilités? Tu souhaiterais quoi? Qu'il soit prisonnier ou que... Je ne souhaiterais pas qu'il soit prisonnier, mais à un moment donné, si c'est son intention, parce qu'à nouveau c'est vicieux, ils agissent de manière à faire les morts, à ce qu'on ne les entende plus, et au final, nous, on prend toutes les responsabilités. En revanche, quand on a besoin des papiers administratifs ou autres, on a besoin à nouveau de leur présence. Donc moi, une personne qui fait le mort, qui ne veut plus entendre parler de ses enfants, qui n'est pas là pour eux, en 3 ans, j'aurais pu mourir, un enfant aurait pu mourir, et quoi? Et monsieur l'apprend par quel billet? Le Saint-Esprit, on n'a plus de contact avec lui. Moi, ce que je demanderais, et c'est ma demande à l'heure actuelle, c'est qu'à ce moment-là, si telle est sa volonté, qu'il le fasse acter. Et à ce moment-là, que j'ai la garde exclusive, parce que là, j'ai la garde exclusive, mais pas l'autorité. Il y a une nuance. La garde exclusive, ils sont chez moi, mais l'autorité, elle est conjointe. Ça veut dire que tu dépends toujours de l'autre pour une signature, pour... c'est horrible. C'est un paradoxe. Quand la personne n'est pas là, comment vous pouvez mener encore cette autorité conjointe quand la personne, elle est défaillante, elle n'est pas là, elle n'est pas présente? Mais qu'est-ce que... Tu as posé cette question qui est vraiment intéressante à ceux qui gèrent les lois et qui gèrent la loi et tout ça. Ça sera comme elle, le jugement qu'elle a obtenu. Elle a obtenu l'autorité exclusive et on a déchu le père de ses droits. Et donc aujourd'hui, ça ne change rien pour elle physiquement. Absolument. Parce qu'elle a toujours été comme ça depuis 2010 ou 2011. Mais nous, à un moment donné, on se dit, c'est une fatalité. On est mère, on est père. J'aime pas utiliser le mot père parce qu'on n'est pas père. On essaye de combler un vide et finalement, on ne sera jamais un père. Il y aura peut-être des oncles qui prendront ce relais de super grand frère ou autre. Au final, je dis, c'est pas triste pour les enfants, c'est triste pour les parents parce qu'au final, il y a ce lien de filiation où la pension alimentaire, pour moi aussi, c'est une métaphore, mais ça reflétait aussi ce chemin de filiation. Finalement, je continue à donner quelque chose à mon enfant. Je continue à subvenir à ses besoins matériellement et en le voyant, en le prenant régulièrement, j'essaye de ne pas rompre ces liens. Là, ils ont fait le choix, il n'y a pas de souci. On a nos enfants, c'est notre capital. Moi, pour ma part, je suis une maman aimante et j'essaye de faire au mieux qu'ils manquent de rien. À l'heure actuelle, ils n'en parlent plus, sauf le petit où voilà, il y a toujours une petite pensée. Mais au final, moi, j'aimerais, au niveau de la loi, si on a été capable de statuer... un divorce, un jugement, qu'on puisse nous entendre, toutes ces mères, ou à un moment donné, on peut nous donner toute cette légitimité de se dire, elles sont seules. Leur combat, c'est seul avec leurs enfants. Alors, on va leur donner l'exclusivité, effectivement, de ces enfants. Mais à côté, on doit aussi reconnaître tous les manquements de la justice. C'est va-et-vient, honnêtement. Je pense que, sans aucune prétention, j'ai été forte et en même temps affaiblie parce que je voyais toujours devant moi le portrait de mes enfants, de me dire il faut y aller, quoi, il faut rien lâcher. Mais d'autres femmes, ces femmes qu'on n'entend pas aujourd'hui avec vous, qui sont dans l'isolement, qui n'osent pas parler parce qu'elles se disent au final c'est quoi cette procédure, je vais y aller et puis on va me remballer et puis je vais retourner, et c'est usant, c'est fatigant. Mais ces autres femmes, encore une fois je le souligne, elles sont peut-être dans d'autres situations. J'aime pas le mot aisé, mais financièrement, si ça va mal, on peut toquer au CPS. Si ça va mal, on peut demander des aides au logement. Nous, on travaille. Donc, si ça va mal, on demande de l'aide à personne. Parce qu'on a honte d'en parler au travail, parce qu'on a honte d'en parler à la famille, parce qu'au final, on se retrouve seul. Et finalement, moi, je suis super contente qu'on s'est retrouvés. Toutes ces femmes-là, ce que tu disais, toi, le terme sororité, là, qui... Chantal. Oui, Chantal qui a utilisé ce terme de sororité, oui, c'est le terme féminin, pour ceux qui ne comprendront pas du côté fraternel, mais voilà, on se retrouve en tant que sœurs dans ce même combat. Mais honnêtement, on souhaite faire un appel aux politiques de dire... C'est pas une question de condamner l'homme, hein, parce qu'il y a d'autres hommes qui se trouvent dans la même situation que nous, mais c'est replacer la place de l'enfant. À un moment donné, il faut arrêter tous ces chipotages autour, et il y a l'enfant qui doit être hissé tout en haut et le protéger, parce que on minimise l'impact mental, physique, psychologique que ça prend sur les enfants. Et on va à l'école, oui, bon, l'autre, il y a plein d'enfants issus du divorce avec qui ça se passe super bien, le père vient chercher l'enfant et tout. Mais nous, on verra toujours cette petite image, ce petit regard chez nos enfants. Pour ma part, moi, ils sont tout petits, où le père n'est pas là. Et quand on vous pose la question, ouais, mais maman, les autres, ils sont divorcés, pourquoi le mien, il ne vient pas ? Bah, on leur donne une belle vision édulcorée du papa. Moi, pour ma part, je ne parle jamais négativement du père, parce que ça ne sert à rien de rajouter de la douleur à la douleur. Donc, voilà... C'est mes petits mensonges, c'est pas le fait, on n'aime pas mentir, on dit que papa il est occupé, que papa il pourra pas venir, mais à un moment donné il va grandir, il va savoir tout ça. Mais c'est pour protéger l'enfant. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on attend avec notre combat avec Afida Bachir, elle a lancé une pétition en ligne par rapport au sécal en janvier 2019. Donc pour faire sauter le plafond, un plafond qui pour certaines personnes, hein, je vous explique en résumé, le sécal, les femmes peuvent y prétendre quand elles ont un montant maximal de 1 865 €, majoré à 70 € par enfant. Si vous dépassez ce barème-là, de 5, de 10, de 15, de 20, voilà, c'est foutu, Beyton, il n'y a pas de solution pour vous. Et pour moi, j'ai envie de dire aux politiques que si ce montant pour eux, il est énorme, et qu'ils prétendent qu'on gagne énormément, bah, qu'ils viennent voir nos charges, parce qu'on a les mêmes charges que les autres femmes. Moi, personnellement, j'ai un loyer de 1 000 euros. Chantal a payé un loyer de... En fait, mon loyer et mes charges, tout compris, c'est presque 1 090 €. Voilà. Chantal, tu racontes aussi un peu, toi ben moi, en fait, j'ai deux grands garçons maintenant qui ont 20 et 21 ans. Il y a eu une première séparation quand ils avaient 4 et 5 ans. Mais à la première séparation, on s'est mis d'accord, le papa et moi, pour une garde alternée, sans passer par le tribunal. Et moi, je dois avouer que ça faisait un peu peur de passer par le tribunal, parce que j'avais peur de casser justement le lien et que ça se passe moins bien s'il y avait un jugement. Donc on a... Pourquoi passer par un tribunal quand on s'entend bien, et ça coûte de l'argent aussi, hein, tout ça. Oui, en plus. Et donc on a fait garde partagée, il participait aux frais d'école, aux frais des vêtements, etc. Et j'avais les allocations familiales pour moi. Et puis au bout de 7 ans, ça se passait très bien. Bon, des petits heurts personnels, mais au niveau des enfants, l'école, etc., c'était très bien. Et puis après 7 ans, on s'est remis ensemble. Mais il faut savoir que lors de la première rupture, il y avait pas mal d'histoires d'huissiers qui venaient à la maison parce que le papa n'avait pas payé ses charges sociales, il était indépendant. Hein. Et donc, moi, j'ai mis un terme à ça. Et le problème aussi, c'est qu'il avait un problème d'alcoolisme. Et donc, c'est ça qui a amené tous ces problèmes financiers. Et voilà. Donc, ici, après 7 ans, comme on s'entendait bien, on a décidé de se remettre ensemble. Mais après 1 an et 2 mois, 3 mois, c'était plus possible. J'avais l'impression d'être revenue 10 ans en arrière avec les mêmes problèmes. Donc, il a un jour claqué la porte et il est reparti vivre chez sa maman. Et puis, j'ai pensé qu'on allait recommencer comme avant, mais en fait, pas du tout. Donc, il n'est plus intervenu. Il prétendait que je l'avais mis dehors. C'était pas vrai. Il n'est plus intervenu financièrement ou relationnellement avec tes enfants ? Relationnellement, les enfants allaient de nouveau une semaine chez lui. Donc, il habitait chez sa mère et une semaine à la maison. Mais financièrement, plus rien du tout, quoi. Donc, j'ai attendu un peu plus d'un an, presque 1 an et demi. Avant de me dire... Parce que quand j'envoyais un message, quand je demandais, il me remballait, j'avais droit à des messages très sympathiques. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est plus possible, c'est pas normal que j'assume tout. Et donc là, j'ai fait intervenir le tribunal. Donc c'était assez douloureux. On se sent vraiment pas bien. C'est vraiment très pénible, en fait, de faire ces démarches-là. Et je me souviens que quand on était à la dernière audience et que le juge a décidé... Parce qu'il faut savoir aussi que la pension alimentaire, elle est quand même basée sur ce que gagnent le papa et la maman. Donc, on ne lance pas des prix comme ça en l'air en disant « vous payerez 500 euros ». Non. Si tu l'as à 50%... L'âge des enfants aussi. Oui, voilà. Selon les besoins, voilà. Le temps de garde, etc. Donc, il y a quand même des critères dont le juge tient compte pour dire... voilà. Et donc, il était condamné à 100 euros par enfant et partager les frais extraordinaires. Donc, c'est tous les frais médecins, école, etc. Et devant le juge... il a dit « Je ne paierai pas un centime à madame. » Il est honnête au moins, non ? Il a tenu parole. Au juge, il a tenu parole. Et donc, depuis lors, c'est bien, il a tenu, il a été sincère vis-à-vis du juge, mais ça veut dire que depuis maintenant, je pense que ça fait 3 ans, il ne paye plus rien du tout. Les enfants étaient entièrement à ma charge. Parce qu'il y avait aussi, il s'était mis en ménage avec une dame, mais qui a aussi un problème d'alcoolisme. Ah ben c'est bien, ça tombe bien. Et donc le juge a estimé, oui, mais c'est déjà pour ça qu'en plus j'ai récupéré les enfants chez moi, parce que le papa vivait chez la grand-mère et il y a eu des soucis. Et elle m'avait appelé en disant, tu reprends les enfants, je ne garde pas. Et merde, j'ai dit le prénom. Et donc... On peut l'enlever, hein. Je ne garde pas chez moi. Et donc c'est ton mari? Oui. Enfin non, c'était mon conjoint, le papa des enfants. Et donc, il n'a plus jamais rien payé. Et mon avocate m'avait dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Envoyer un huissier, etc. Je dis, je ne sais pas. Alors elle m'a dit, ça coûte à peu près 800 euros. À l'époque, il y a 3-4 ans. Alors j'ai été voir, parce qu'une amie qui était aussi passée par ces péripéties, m'avait renseigné le sécal. En disant qu'elle, elle y avait eu droit, mais elle était au chômage. Et comme je travaille temps plein, je me suis renseignée sur le site internet. J'ai fait le calcul chez moi. Et bien, en fait, je me suis dit, ça ne sert à rien que j'aille faire signifier le jugement, que j'aille envoyer l'huissier pour récupérer quelque chose. Il est au chômage, de toute façon. Mais ce n'était pas possible, puisque de toute façon, je n'avais pas droit au sécal. J'étais au-dessus. Et ici, dernièrement, il y a une dizaine de jours, j'ai calculé le plafond du sécal avec les majorés par 70 euros par enfant. Eh ben, je dépasse d'à peu près 15 euros. Donc voilà, donc je me dis, finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Je ne sais pas me battre contre lui, il est au chômage. Et alors, c'est aussi ce qui est surtout dommage, c'est par rapport aux enfants, parce que... il y a comme une espèce d'abandon. Il n'a plus jamais fait d'activité avec eux. Il ne les a pas pris en vacances. Quand Félix y est quand même allé pendant un an chez lui, parce qu'il s'était mis en ménage avec la copine, et il y allait, mais il n'y avait rien d'autre qui se passait autour. Et après un an, il n'y est plus retourné, parce que je crois que l'ambiance était aussi extrêmement exécrable. Donc voilà, donc ce qui est dommage, c'est que l'autre garçon, il ne l'appelle jamais. Donc en fait, ils se voient au hasard des rencontres chez la grand-mère. Et sinon, voilà, c'est tout. Et... Il a démissionné, quoi, en gros. Oui, de toute façon, pour moi, c'est démissionner. Enfin, plus rien faire avec ses enfants, pour moi, c'est horrible. Et ça fait super mal. Et je ne sais pas combler ça, moi. Oui, je ne peux pas le combler. Dingue, ouais, c'est dingue. On pose vraiment la question. Ce qui se passe, c'est que, justement, quand il a dit au juge, je ne paierai pas un centime à madame, mais il pense que c'est à moi qui donne l'argent. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une espèce de vengeance sur la femme. Voilà. Mais c'est les enfants qui trinquent. Oui. C'est les enfants qui trinquent. Exactement. C'est très bien de nuancer ça, parce que c'est vrai que... moi, j'aime pas les caricatures. Il faut essayer de sortir un peu des caricatures. Mais là, clairement, c'est quand même... Vous me dites si je me trompe, c'est quand même les femmes qui se retrouvent couillonnes. et les bonhommes qui se soucient plus de rien du tout. Quoi. Absolument. Ouais, on pourrait se poser la question, comment ça se fait? Eh bien, j'aimerais quand même aussi préciser que quand le conjoint est condamné à payer, il le déclare dans ses contributions ce qu'il paye. Et il récupère aux contributions 80%. Quand la personne reçoit la pension alimentaire, elle le déclare aussi. Et elle paye des contributions sur cette somme. Alors, à quoi ça rime? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? À quoi ça rime? Mais parce que nous, imaginons, je reçois les 200 euros. Quand tu dis nous, nous les femmes, précise, parce que sinon... Pour mon cas, moi, je reçois 200 euros, je vais les déclarer dans les contributions et je vais être taxée dessus. Donc, en fait, je n'ai pas 200 euros, j'ai peut-être 150 euros. Mais monsieur qui va déclarer les 200 euros dans ses contributions, il va récupérer 80% de cette somme. Comment ça se fait, ça? C'est comme une économie. Alors là, question, c'est pas logique, c'est injuste. C'est injuste. C'est logique dans leur tête à eux, oui. Parce que c'est le ministère des Finances qui a fait le sécal. Et est-ce que ça voudrait dire que je raconte n'importe quoi, mais comme les lois en gros sont faites par les hommes à la base et du coup ça défend peut-être plus la position des hommes, je raconte n'importe quoi ou bien ce serait sensé ce que je dis? Parce que moi j'ai pas plus penché que ça sur le dossier. C'est des pensions alimentaires, je pense. Moi j'ai un ami qui a ses filles totalement à sa charge et la maman les a complètement abandonnées. Donc à partir du moment où l'un paye, peu importe si c'est l'homme ou la femme. Voilà, oui, okay. C'est pas... Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ce serait plutôt que ça serait pour encourager les gens à le payer, en se disant, écoute, tu vas payer la pension alimentaire, mais t'inquiète, en fin d'année ou au mois d'août, tu vas avoir une petite prime là pour pouvoir te payer des vacances. Donc quelque part, c'est payer, mais vous savez que vous allez recevoir. En revanche, nous, oui, c'est vrai qu'en tant que femme, en Belgique, on se pose la question, même si c'est un pays qui est divisé, néerlandophone, francophone, germanophone, là, on a l'impression qu'on a divisé les femmes en deux. Les femmes qui travaillent sur le bas-côté, les femmes qui ne travaillent pas, elles auront les droits sociaux. Et à un moment donné, nous, en tant que femmes, et il y a aussi avec nous des femmes qui ne travaillent pas, on se dit on a le droit à une équité en tant que femmes. On a les mêmes factures, on a les mêmes frais. Et à nouveau, je rebondis sur cette aide des ADIL. C'est une aide qui est donnée pour le logement. Pour ma part, moi, je viens d'un logement insalubre. On m'avait promis, parce que j'ai eu une explosion dans mon logement, on m'avait promis d'avoir d'une aide au logement. Je ne savais pas ce que c'était l'ADIL. On m'a dit, écoute, tu vas remplir avec nous le dossier et tu auras une réponse. Tu auras une allocation de relogement qui est à hauteur de 1 000 euros, plus une aide sur base de calcul de mes enfants. J'aurai 230 euros qui seraient versés de manière trimestrielle, mais par mois, donc, pour t'aider à payer le loyer. Moi, il faut savoir, j'ai beaucoup de mal encore à raconter cette histoire, mais quand il y a eu l'explosion, j'ai vécu pendant une semaine dans ma voiture, avec les enfants. Oui, c'est fou parce que vous me touchez, parce que vous êtes des gonzesses là et vous devez se tenir bon et en plus il y a des petits derrière. Tu dis? Le cerveau ne se repose jamais, hein. Chez moi, ça tourne. Le corps. Voilà. Ça tourne. Moi j'ai eu des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, savoir comment on va finir le mois. Parfois. Et toi, Fanny, t'as envie de raconter un peu Je ne suis pas encore au stade du sécal. Donc moi, ça fait 1 an et demi que j'ai mis le papa de mes enfants dehors et je l'assume. Oui, je l'assume pleinement de l'avoir fait parce qu'il nous a mis dans une situation financière difficile. Et ce sont tous des hommes foireux autour de vous, oui. Non? Comment ça se fait, ça? Ou alors on s'est bien trouvé, je ne sais pas. C'est l'épidémie peut-être. Hein. C'est pas les mêmes. C'est la pension alimentaire qui nous a rassemblés, mais bon, il y a des hommes bien aussi. Oui, mais... bien sûr. T'en connais? Oui, j'ai des amis qui sont en couple et qui sont avec des hommes bien sûr. Heureusement, mais c'est pas facile. Et au début, comme pour Chantal, ça se passait bien, donc on avait réussi. Au début, c'est toujours bien. Séparés. Ça se passait bien, c'est ça que tu veux dire. Dehors, hein, pour les grosses dettes qu'ils nous avaient créées. Et ça se passait bien. Bon, je m'inventais une vie de temps en temps. Je disais, je pars en week-end, est-ce que tu peux venir prendre les enfants ou les garder à la maison pour un petit peu forcer les choses. Mais il acceptait. Mais jusqu'au jour où il s'est remis en couple et où là plus rien n'a fonctionné et où je le forçais et où j'imposais mes idées, où j'imposais des jours. Et il faut savoir que c'est lui qui disait ça ou c'est toi? C'est lui qui disait ça. Mais il venait, comme il dit, quand j'ai le temps, je viens voir les enfants. Alors le mercredi après-midi, il avait à l'école qu'il venait systématiquement voir les enfants. Le jeudi matin, quand madame demandait à mon fils, alors avec papa ça a été, papa il n'est pas venu. Une fois, deux fois, trois fois, quand ça arrivait à mes oreilles, j'ai dit ah non. Si mon fils commence à dire à sa prof, en étant déprimé, « Papa, il n'est pas venu », c'est que ça commence à impacter sur lui. Voilà. Donc là, je lui ai dit, écoute, c'est simple. Soit tu te reprends et tu respectes ce que tu dis, les heures, les jours, etc. Sinon, on oublie, tu laisses tomber. Il m'a dit, ah bah, puisque c'est comme ça, bah, on laisse tomber. Mais je ne te donne plus d'argent non plus. Donc on avait un petit arrangement entre nous. Oui, mais donc c'est bien ça, c'est, cette espèce, c'est les hommes qui s'imaginent, il y a une espèce de chantage affectif. Ah, voilà. Hein. Or que ce n'est pas pour moi, moi je n'ai pas besoin de le voir, je l'avais déjà dit. Tu peux les prendre le vendredi soir à l'école et les ramener le lundi matin à l'école. Je n'ai pas besoin de te voir. Donc si tu n'as pas d'argent, que tu es dans des soucis financiers, ça je lui avais dit aussi, il n'y a pas de problème. Si tu as des problèmes, tu me le dis, je peux me débrouiller sans. Je préfère que tu les prennes. Et que de temps en temps, tu leur payes un petit jeans, un petit pull, que tu leur fasses une bonne sortie, un truc comme ça, plutôt que de te serrer la ceinture et de savoir que, ben voilà, ils vont aller voir papa, mais papa, il n'a pas un sou en poche. Ce n'est pas le but. Et au fil des mois, ben, je me suis retrouvée dans la situation où il refuse de m'aider. Donc, on a été le voir au mois de septembre. Donc, il faut savoir qu'au mois de juin, il a arrêté de voir ses enfants. Entre-temps, il m'a mis sa compagne dans les pattes. Ben, qu'elle voulait devenir mon amie. Et que je devais passer par elle pour que lui prenne les enfants. Et j'ai refusé. Ben, il n'est pas domicilié avec elle. Je ne la connais pas. Donc, non, je ne passe pas par une intermédiaire. S'il veut voir ses enfants, nous, on est ouverts. Les enfants ont des GSM. Il peut toujours les appeler aussi. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et pour finir, ça n'a plus été du tout. Mois de septembre, j'ai pris les enfants. Je dis, écoutez, on va passer au travail de papa. On va aller le voir parce qu'entre-temps, j'ai eu une saisie sur salaire. Parce que je l'ai financé. J'ai financé des travaux il y a X années dans sa maison. Argent qu'il était censé rembourser mensuellement et qu'il n'a pas remboursé. À toi ? À la banque. Donc c'était un arrangement. Moi, je l'ai gardé avec moi pendant X années en me disant pendant ce temps-là, il paye. Mais en fait, il ne payait pas. Donc on m'a foutu la paix pendant pas mal de temps. Mais là, comme je gagne bien ma vie, on m'a dit, voilà, maintenant... Il est temps, vous prenez juste vos impôts et maintenant on va vous prendre votre salaire, on va vous prendre 650 euros par mois, rien que ça. Mais à côté de ça, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas cette pension alimentaire parce que c'était un arrangement entre nous. Donc au mois de septembre, j'ai été le voir parce que la saisie est tombée fin août. J'ai été le voir en lui disant, voilà, écoute, ça ne va pas. Il y a cette saisie, il faut trouver une solution. Je n'ai pas pu payer les abonnements de la STIP des enfants. Ils vont à l'école sans payer le tram. Il m'a dit, écoute, je vais t'aider. C'est là que tout s'est enchaîné. Donc, j'ai pris un avocat par la suite, etc. Parce que de l'aide, c'est passé à 10 jours plus tard. Ah non, tout compte fait, je ne t'aide pas. On ira au tribunal. OK, ça va. J'essaie d'appeler, plus de réponse. Or que moi, je me suis quand même déplacée avec mes enfants en disant, je viens en paix, sans avocat, sans rien. Je viens discuter avec toi une dernière fois pour qu'on trouve un terrain d'entente. Et je pense, je ne vais pas dire que ce n'est pas lui... C'est un adulte, il pense par lui-même, mais le fait d'avoir une personne à ses côtés, il y a cette sensation de, voilà, maintenant, je ne suis pas tout seul. Tu parles de sa nouvelle compagne. Sa nouvelle compagne qu'il a bien reboostée, et du coup, il a attrapé de l'assurance, chose qu'il n'avait pas pendant tout un temps. Et là, il se sent vraiment sûr de lui, donc je lui dis, fais attention, parce que ça va être le retour de manivelle à un moment donné. Donc là, tu es en train de me forcer à prendre une avocate, que j'ai déjà. J'ai tous les SMS, toutes les preuves. Il y a abandon d'enfants, clairement, tu ne t'occupes plus de tes enfants. Donc j'ai fait mes démarches, je lui ai bien expliqué. Chez nous, ça ne se fait pas. Donc moi, je suis moitié camerounaise, moitié française. Il y a très peu d'Africains qui arrivent au stade du tribunal. En général, on essaye de garder ça comme ça. Tu passes quand tu as le temps et ce n'est pas un problème. Tu viens sonner à la maison, même si moi, je refais ma vie, ce n'est pas un problème. Il n'a rien voulu de tout ça. Donc au bout d'un moment, on est obligé de prendre un avocat. Moi, j'ai eu droit au Prodéo. Malgré que je travaille, parce qu'avec cette saisie sur salaire, je tombe à 1390 euros par mois. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance. Mon avocate m'a permis d'avoir le Prodéo. Ouais. Voilà. Donc, j'ai eu ma première audience le 31 janvier. Il n'est pas venu. Donc, c'est reporté au 18 avril, où là, les enfants, comme ils ont 12 et 13 ans, vont être entendus par la juge. Mon dernier ne veut plus rien savoir de son père, mais j'ai quand même réussi aujourd'hui à le convaincre, lui dire, écoute, ce serait quand même bien que tu ailles t'exprimer, parce que moi, je ne peux pas parler à sa place. Je veux qu'il dise ce qu'il ressent et comment il vit cette chose-là, parce que l'air de rien, nos enfants, ils ne nous parlent pas de leur mal-être. Je sais pas c'est si... des éponges, en plus. Voilà. Moi, j'ai celui qui a 13 ans, à l'école, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école avec mes enfants cette année-ci. Donc, mon dernier s'est fait renvoyer. Donc, lundi, je dois trouver une école à la rentrée. S'est fait renvoyer. Il a changé, donc du mois de juin, il est passé de l'enfant très calme, qui acceptait tout de tout le monde, hein, que tu pouvais lui mettre une claque et « Oh, c'est pas grave, c'est cool, remets-moi-en une. » En fait, là, maintenant, c'est terminé. Hein, ça veut dire on le touche juste un petit doigt sur l'épaule, il pète les plombs. Donc, renvoyé de l'école, il faut trouver une nouvelle école. Celui de 13 ans a eu aussi des problèmes de comportement. Heureusement, l'équipe éducative a su gérer. On travaille. On travaille, mais c'est tous les jours. Tous les jours, il faut leur rappeler, attention, ok, on a des problèmes. Ok, c'est difficile, mais tu dois garder, tu dois être correct à l'école, tu dois travailler pour l'école. Comment leur expliquer qu'ils doivent ramener des bons points, entre guillemets, parce qu'ils préparent leur avenir, mais en même temps, leur présent est tellement compliqué. On devient exigeante avec eux. Ouais. On devient exigeante avec eux, en fait. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai plus ce côté super laxiste. C'est pas que je suis perfectionniste non plus, mais je me dis qu'on peut plus se permettre, en fait, d'avoir de failles. Puis on a toujours l'impression aussi qu'en tant que mère solo, il y a le regard derrière qui est violent de toute personne, hein, que ce soit en couple ou pas. On sera plus condamné si on commet une faute, je parle pas de grave faute, mais si on a des manquements au niveau de l'éducation que des personnes normales où il y a... père, mère ou des coups, voilà. Et on sera beaucoup plus pointés du doigt. Nos enfants sont pointés du doigt. Je ne sais plus assumer tout ce qui est voyages scolaires qui sont coûteux, tout ce qui est ski, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est voyages scolaires. Pour nous, c'est du luxe. Voilà, on ne connaît plus tout ça. C'est du luxe. Hein. Bien sûr, oui, mais je veux dire, on n'a pas... À l'école, quand on vous met sur la lettre, sortie obligatoire. Ça aussi, ça à payer pour telle date, à payer pour telle date. Et on dit, oui, c'est dans 2 semaines. Mais moi, je touche que dans 3 semaines. Je suis déjà sec. Donc là, il faut. C'est très dur. Et pour eux, mentalement, après, ça devient des enfants qui sont atteints psychologiquement. Donc, ils sont beaucoup plus fébriles. Ils prennent les choses plus à cœur. Ils sont beaucoup plus fragiles. Pourquoi ? Parce que leur base, leur moitié a été détruite quelque part. Et ils sont là à 12, 13 ans et nous dire, t'inquiète, maman. On va s'en sortir. Plus tard, on va pas aller à l'école, mais on va travailler. Et ça, nous, on ne veut pas. C'est pas à cause d'eux, je veux dire que... Ça les rend beaucoup plus matures. Ça veut dire, moi, par exemple, dans mon immeuble, mes enfants nettoient les communs. Enfin, en général, c'est mon deuxième qui fait ça, celui de 13 ans. Et c'est 50 euros par mois. Ben, il les garde. Il s'est payé sa paire de baskets. Parce que moi, je lui ai dit clairement, une paire de baskets à plus de 100 euros, c'est impossible. Même 50 euros, ça devient limite. Donc, voilà, il a économisé et il était tout fier. Il m'a dit, bah, maman, t'as vu, j'ai mes 150, maintenant je peux aller me chercher ma paire de baskets. Bah, bravo, mon fils. Indirectement, de toute façon, même si on ne le veut pas, je veux dire, indirectement, on mêle ces petits bouts, en fait, à... En tout cas, moi, le grand, hein, qui est ado, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait d'adolescence. Il a mûri à une vitesse VV'. Mais par exemple, le cas où j'ai évoqué et que j'ai dû interrompre au niveau du déménagement parce que voilà, ça revenait de loin et l'émotion est montée, c'est mon fils qui est âgé de 15 ans qui a dû mobiliser 16 amis à lui pour faire le déménagement de sa maman parce que je n'avais pas les moyens. Donc, il a pris 16 potes à lui. On a dû monter, descendre parce que mon appartement ne donnait pas face à la rue. Donc, pas de lift possible, pas les moyens non plus. Donc, on a loué une camionnette et c'est 16 potes à lui, solidarité, pour aider maman parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, à un moment donné, on est obligé de... C'est pas que j'ai sollicité, mais il me voyait tellement galérer en me disant, mais maman, on n'a pas le choix. 350 euros, 400 euros minimum le déménagement. Donc, on va être là et puis on va t'aider. Donc, là, on voit une superbe chaîne humaine avec des ados. Ils nous ont aidés, on est arrivés, on a eu ce petit appartement, j'ai fait pour eux une petite fête avec nos moyens, mais à un moment donné, on se dit, c'est trop quoi. Laisser les enfants où ils sont, ils ont pu, en fait, finalement, ils ont pu. Cette innocence, ils l'ont perdue des enfants parce qu'ils sont devenus très vite matures. Moi, le grand, son exutoire, c'est le foot, et heureusement, parce qu'honnêtement, il aurait pu mal finir parce que ça tapote dans la tête. Et des fois, c'est eux qui nous canalisent en disant « Maman, stop, t'es trop nerveuse, qu'est-ce qui se passe ?» Et on est toujours obligé de s'excuser parce que finalement, on perd les pédales, parce qu'on n'en peut plus. Et je pense qu'on n'a pas besoin de psy à l'heure actuelle, parce que même un psy, ça serait cher. On aimerait juste faire entendre que, politiciens ou à la justice, peu importe, arrêtez quoi, arrêtez ce massacre. Pour moi, ce que font là subir les pères, c'est criminel. C'est comparable à c'est passible de prison, ce que vous voulez. Il faut encore savoir si cette prison elle aura un effet sur eux. Mais leur dire, ce sont vos enfants. Il y a un temps à un moment donné, si on ne donne pas du temps à nos enfants, qu'est-ce qu'on donne ? Donc encore une fois, je le ressouligne, si les pères ne veulent pas avoir les enfants et n'en veulent plus, qu'il le stipule, que ce soit clair et net, que ça soit... Parce qu'après, quand on fait cette démarche, le père monte l'enfant... Ah, mais c'est ta mère, hein, tu vois, la procédure qu'elle a fait pour l'abandon familial, c'est de sa faute. Hein. Mais finalement, eux, en se taisant, ils ont le bon rôle. Mais nous, finalement, qu'est-ce qui nous reste, mis à part nous battre et essayer de légiférer un peu tous ces papiers? C'est pour ça qu'on a fait une lettre aux politiciens, il n'y a pas longtemps, en demandant de faire changer les choses. Parce qu'à nouveau, je reviens sur ce truc de la DIL. Moi, quand j'ai déménagé, on m'a promis cette aide, donc l'aide qui permet d'être relogé. On vous verse une allocation de relogement et puis on vous verse un petit budget par mois. Et là, à nouveau, quand on fait le calcul après un an d'attente, madame, on est au regret de vous dire que vous ne pourrez pas bénéficier de la DIL. Donc, bam. Donc, je n'ai pas le droit à la DIL, je n'ai pas le droit au sécal. Parce qu'à nouveau, je dépasse le barème de 30 euros. C'est le comble. Hein. Ce serait plus facile qu'ils nous disent tout simplement mettons, à salaire quoi on a droit. Ce serait plus simple pour nous de demander à la justice, de demander aux politiques... Qu'est-ce qu'on a droit, nous, en tant que mère solo? Tout simplement, ce serait peut-être plus court. Moi, j'ai une autre vision du truc. J'ai l'impression que ces choses de pension alimentaire, ça ne rapporte pas à l'État, en fait. Ouais, donc, concrètement, voilà, ils ne se battront pas pour nous parce que ça ne leur rapporte rien, tout voilà, simplement. Pourquoi l'envoyer au pénal? Parce que là, l'État, oui, voilà. Ils vont le sanctionner, exactement. Ils vont récupérer pour eux, mais pas pour toi. Pourquoi ne pas transformer cette pension en allocation, par exemple? Ce serait plus simple de le mettre dans des allocations familiales ou... avec des conditions, certes, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, toutes les mères que vous entendez à l'heure d'aujourd'hui, ce soir, c'est que, quand même, on a été battus par nos ex-compagnons et maris. Donc, psychologiquement, donc nous, pas toutes... Pas Fanny ni Chantal, voilà, quand exactement, même. Hein. Exactement, pas toutes. Mais il y a une grande majorité, en tout cas, des personnes qu'on ne connaît pas ici ce soir, mais qui ont vécu le cas. Donc, nous, psychologiquement, moralement, donc nous, on doit être, pour nos enfants, psychologiquement, moralement, nous-mêmes, on doit gérer les factures, les loyers qui sont très inabordables. On essaie de se dire, tiens, on va aller louer un appartement deux chambres, même si on a trois personnes. Oui, mais madame, vous devez vous présenter avec une composition de ménage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en tue un? Est-ce qu'on devient serial killer? On devient... Voilà, vaut mieux qu'on tente ça à la rigolade que voilà. Mais même voilà. De côté, on avait parlé avec Chantal, on essayait, genre on va cohabiter, parce que voilà, on va serrer les coudes, on va essayer d'habiter ensemble. Là tu veux aussi. Dire cohabiter avec le entre papa Non, cohabiter entre mères. Femme, donc on se dit on est dans la misère ensemble, voilà. Mais là aussi, non, c'est une mauvaise idée, parce que si on cohabite, on perd tout... toutes les aides, les trucs. On aurait peut-être pu avoir, quoi. Bah, je dis, si on cohabite, c'est clair alors qu'il faudrait que ce soit vraiment avec un étage séparé, peut-être, dans une maison et vraiment séparé. Les ouais, donc avoir les moyens pour enfin, oui, mais ça, sinon, c'est une super idée. Hein. Mais, moi, je me souviens d'un temps, il y a quelques deux ans, quoi, où Écolo c'était son cheval de bataille aussi de supprimer tout ce qui est eau, cohabitant, etc. Mais ça continue, ça revient sur la table. Moi, j'ai fait une émission radio sur le fait de supprimer ce statut de cohabitant. Pour ce truc-là. Mais par exemple, ici, moi, j'habite dans un appartement qui coûte 825 euros, 120 euros de charges. Et je paye encore après une régularisation, plus d'autres charges. Je vous dis, j'arrive à peu près à 1100 euros. D'accord. J'ai deux chambres. Alors, quand on est arrivé ici, les garçons dormaient ensemble dans une chambre avec des lits superposés. Mais maintenant, depuis qu'ils ont 18 et 19 ans, je leur ai refilé ma chambre. Moi, je dors dans le salon, j'ai un canapé-lit là. Voilà, c'est la débrouille. Mais je n'ose même pas imaginer déménager. Quand je vois les loyers ailleurs, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est hallucinant, quoi. Alors, je reste ici, j'ai des petites économies, je supplée chaque mois, mais quand j'en aurai plus, je ne pourrai plus rester ici. Mais d'où le truc, on se dit, et voilà. Toutes ces supercheries, là, où on te dit le sécal, tu dépasses le plafond, les adiles, tu dépasses le plafond, c'est quand la case mère solo, à un moment donné, on va faire aussi quelque chose pour ces femmes-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de super salaire, on ne gagne pas des 3000 et des 4000 et des 2500 euros. On a un salaire de base normal, on n'a pas les salaires des hauts fonctionnaires, on n'a pas les salaires des ministres, et à un moment donné, c'est juste... Si limite, ils s'en fichent un peu de ce sort de mère célibataire. Ils, c'est qui? Les politiques. les politiques, tous ceux qui font ces lois, parce qu'apparemment, au niveau du SECAL, à un moment donné, il n'y avait pas de plafond. Non. Donc le plafond n'existait pas au début. Et puis bizarrement, il est apparu en pleine vacances judiciaires. Moi, je demande à ceux, parce qu'à l'heure actuelle... En pleine vacances judiciaires. Oui. Juillet-août, ça veut dire qu'il est passé à la trappe, personne ne s'en est rendu compte. C'était à la base accessible à tout le monde. Donc nous, on ne sait pas qui l'a fait sauter. Apparemment, on a eu dire que ça serait le PS. Donc moi, je demande à ceux qui l'ont instauré, ce plafond, qu'ils le fassent sauter. Et s'ils ne le font pas sauter pour nous, qu'ils le fassent sauter pour les enfants. Parce que pour le moment, ils sont en train de démolir des familles. Quoi. S'il n'y a pas de solution au niveau tribunal pour que ces pères puissent contribuer aux finances des enfants, à un moment donné, ils doivent de toute façon faire sauter le SECAL. Parce que ce n'est pas normal qu'à un moment donné, on doive nous toujours batailler, aller toquer la porte, mendier, aller à tel service social pour en plus déballer nos vies, se sentir humilié, être mis à nu à chaque fois. Et puis quand on frappe la porte, c'est... Bah, finalement, la pauvre, quoi. Ouais, la pauvre, ouais. Elle part avec ses bagages. Donc, on a un sac de cailloux derrière le dos qu'on transporte. Au final, nos gosses, ils sont là, on en est fiers. On se battra pour eux jusqu'au dernier souffle. Mais se battre, c'est pas à un moment donné... c'est juste reconnaître leurs droits, en fait, leur réapproprier leurs droits, parce que finalement, c'est légitime une pension alimentaire. Elle doit être donnée, on ne doit même plus débattre dessus, ce qui est donné est donné. Quand on nous dit, voilà, vous avez commis une infraction, vous devez payer pour ça, ben c'est la même chose. Il doit une pension alimentaire, il doit la faire, quoi. Et donc aujourd'hui, quand notre histoire, elle s'est retrouvée, enfin, mon histoire s'est retrouvée à la libre, Fabienne Winkel a rebondi. À la Libre. À la Libre Belgique, le journal. Dans le journal. Voilà, ça c'était au mois de, si mes souvenirs sont bons, le 30 janvier. Fabienne Winkel, qui est députée fédérale, a rebondi sur cette affaire au Parlement. Elle a interpellé le ministre De Koen, qui est chargé des ministres des Finances. Elle lui a demandé de faire sauter le SECAL. Et elle lui disait justement, il y a un article émouvant qui est passé à la Libre, etc., etc. C'est pas normal que ces mères seules, à un moment donné, doivent subvenir aux besoins des enfants seuls. Il a dit qu'il allait réévaluer les choses. Et nous, à titre indépendant et personnel, on a fait cette circulaire, une lettre que j'ai ici avec moi. On a essayé d'interpeller les politiques par rapport à ce plafond en essayant d'expliquer notre vie au quotidien. Il y en a peut-être deux qui ont répondu brièvement, mais... À un moment donné, il faut qu'ils l'entendent tous. Moi, je suis super contente quand je vois que les jeunes sont mobilisés au niveau du climat ou autre. Et là, franchement, cette cause-là, je pense qu'elle mérite la même mobilisation, si ce n'est... Oui, tu parles du climat, la vôtre. Le climat, il y a eu quoi, 10 000 personnes dans la rue. Et on a l'impression que ces femmes-là ou ces enfants-là, on ne mérite pas d'avoir... Il y a une pétition en ligne. Il y a eu quoi, 400, 500 personnes qui ont signé. Pour le climat ? Oui, non, pour nous, hein, la pétition en île pour le SECAL. Le climat, ça a parlé à tout le monde. Après, il faut comprendre que voilà, le journalisme, c'est aussi la loi de proximité. Si ça ne vous touche pas, vous ne signerez pas. Donc nous, ce qu'on a fait avec nos petits moyens, on est parti dans la rue, expliquer aux gens. Parce qu'avoir un papier, on n'en a pas encore parlé bien à la presse, ça n'a pas encore fait de bruit. Mais je pense qu'une mère, une sœur, une grand-mère qui entend ces histoires, à un moment donné, ça peut lui parler. Et on n'a pas besoin d'être mère pour comprendre que la place de l'enfant, elle est essentielle. Et moi, j'invite toutes les personnes qui iront sur Vie Féminine à signer cette pétition, non pas pour nous, mais pour ces enfants, quoi. Ça devient une urgence, quoi. À un moment donné, la justice, les politiques doivent prendre leurs responsabilités et c'est bien à cause d'eux qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce fourbier. C'est vraiment à cause d'eux. Moi, je le dis sans langue de bois. C'est de leur faute où on en est là aujourd'hui. On mendie à chaque fois, quoi. On arrive à un point où... On doit se mobiliser pour essayer de faire presque du porte-à-porte en vendant des cakes, des biscuits, des petites choses qu'on a confectionnées pour pouvoir nous en sortir. Parce que tant que cette loi du SECAL, ce plafond n'a pas sauté concernant le SECAL, on ne pourra pas ni avancer, ni assumer tout le reste. Donc, donc on essaye, nous, en tant que maman solo qui galérons par rapport au SECAL, de se mobiliser pour créer des petites choses faites manuellement et qu'on emmène avec nous, de faire des brocantes, vendre des choses, de faire le maximum de petites choses pour pouvoir, nous, quand nos enfants nous regardent et qu'on attend, qu'on doit payer quelque chose par rapport à nos enfants, qu'on dit « oui, mon fils ou ma fille, je vais assumer ». Je peux le faire. Donc c'est quand même grave d'en arriver jusque-là, de devoir... Surtout qu'il y a beaucoup d'articles de presse qui parlent de la précarité en ce moment, des enfants qui sont... Voilà. Donc c'est contradictoire, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire, contradictoire ? On a beaucoup de précarité au niveau des enfants, hein, dans les écoles, etc. On oui, mais qu'est-ce qui est contradictoire ? Le fait qu'il n'y ait pas le sécal, qu'on n'ait pas d'aide, parce qu'on dépasse les plafonds, etc. Donc, vouloir combattre la précarité et en même temps priver de l'autre côté... D'accord. Ça va pas ensemble, pas, oui. Final, on sait que les familles monoparentales, elles ont du mal à joindre les deux bouts et que finalement, on doit juste venir chez nous, en fait, si on ne croit pas. On a quoi, nous ? Moi, perso, j'ai le béaba. J'ai une table, quatre chaises, une télé, j'ai pas de lit pour mes enfants. Donc, on est au strict minimum. On se refait. Quand, à un moment donné, on n'a pas envie de faire pleurer dans les chemières parce que c'est pas le but. On n'est pas des Cosettes. Hein, t'as pas de lit pour les enfants ? Comment ? Ils sont au sol, ils sont avec un matelas. Parce que tous les déménagements ont fait que beaucoup de choses se cassent et qu'on revient de loin. Mais tout ça, finalement, quand on est dans une famille où il y a de l'amour, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de plus. Si, on aurait besoin en absolu d'avoir... Mais au final, voilà, ça reste des futilités pour nous. On n'est pas en train de demander, venez nous reloger. Ce qu'on demande, c'est qu'on récupère simplement nos droits. Quoi. Et puis surtout, ce n'est pas des sommes de malades. Quoi. Non, ça permet à tout le monde de vivre normalement. Quoi. C'est ça qui... Moi, je voudrais dire aussi, c'est que quand le père ne paye pas, qu'est-ce que ça renvoie comme valeur à l'enfant, quoi ? Exactement. C'est vraiment ça. T'es même pas capable de payer pour nous, mais qu'est-ce que je représente pour toi ? Et moi, j'ai un fils avec qui c'est facile de parler, mais j'en ai un autre, c'est extrêmement pénible. Il garde tout pour lui, c'est vraiment dur, quoi. Et son père ne l'appelle jamais, mais quand il voit son père, il est content de le voir, mais... Il n'y a rien, plus rien en dehors, c'est tellement pauvre. Moi, ce que j'avais aussi envie de souligner comme ça, c'est OK, parce que moi, ça me touche les gens, que ce soit hommes ou femmes, qui, bon, ben là, vous savez, on est dans un monde où il faut de l'argent. Mais le papa ou la maman qui n'a pas l'argent, mais qui quand même se bouge les fesses pour ses gamins, mais qui quand même va manger une glace avec, vous voyez, qui... Vous voyez la différence quand même, hein. Mais les sorties n'existent plus chez nous. Je veux dire, c'est quand vrai. On sort, c'est où on a confectionné des petits pique-niques pour pouvoir manger ça au parc. Mais quand le glacier passe, voilà, moi, à l'heure actuelle, j'ai un revenu de 1300 euros, 1200, pardon, j'ai un loyer de 650. Qu'est-ce qui reste à côté ? Il y a l'Internet, la TV, il y a les frais des enfants, il y a la nourriture, l'habillement, tout ça. Et nous, en tant que femmes, où on a notre place ? Les enfants, on n'a plus de vie de femme. On n'a plus de vie de femme. Donc, on est vraiment mère. On est comme des robots. Mais ces mères-là, je veux dire, ne sont pas éternelles. Après, qu'est-ce qu'il adviendra de nos enfants ? Vu que le père coupe les liens, etc. Mais donc, il faut absolument qu'on fasse quelque chose et qu'on se mobilise pour... Il y aura bientôt la journée de la femme. Donc, c'est déjà le droit de la femme. Donc, c'est déjà... Il faut vraiment se battre pour arriver, être solidaire, pour arriver à quelque chose de positif. Voilà. On est vraiment arriéré en matière de pension alimentaire par rapport aux autres pays européens. La France, ça fait depuis, je pense, 1984 que la caisse d'allocation familiale s'occupe pour restituer les pensions alimentaires non payées. C'est de manière automatique. Il n'y a pas tout ce tralala là, de va-et-vient en matière administrative. Et un monsieur nous avait cité le Québec où ils avaient fait carrément une caisse où on restituait, je ne sais même pas si ça appartient à l'État, c'était une caisse, une espèce de coopérative. Donc, ils ont juste à regarder tous les pays européens à côté, comment ils bataillent pour ça. Et ici, on a l'impression, effectivement, dès qu'on parle de pension alimentaire, c'est au crime, quoi. Elles viennent encore réclamer de l'argent. Mais ce n'est pas pour nous, quoi. C'est vraiment pour ces enfants. Ils le savent. C'est tout. Parce que quand tu es en dessous, tu as toutes les aides possibles. Alors quoi ? Est-ce que je devrais perdre mon emploi pour bénéficier de ces aides-là ? Je crois qu'il ne faut pas, moi ça non, me touche, il ne faut pas, comment dire, se bagarrer pour dire elle est au chômage. Tu vois ? On a l'impression que les politiques nous poussent à ça. Oui, mais ils poussent à ça. Ils poussent à ce que les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas se bagarrent entre eux. Mais en fait, c'est le même combat ensemble. Hein. C'est simplement qu'ils ne veulent pas... Oui, c'est les politiques qui sont conscients de tout ça. Hein. C'est simplement qui veulent pas débloquer les droits. J'ai une amie qui est dans le cas où elle a le chômage, etc. Elle a d'autres soucis. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on est doublement pénalisé, nous, parce qu'on travaille ? Quand on passe au tribunal et qu'il y a un jugement et que le sécal, on gagne de trop, on est doublement pénalisé. Quand on est au tribunal, c'est calculé en fonction de ce que chacun gagne. Donc c'est clair et net pourquoi le sécal met un plafond. Donc, c'est une deuxième condamnation pour les femmes qui travaillent et qui dépassent ce plafond. Mais il n'y avait pas de plafond à la base. Avant, il n'y en avait pas. Mais donc, il y a bien une raison de... parce qu'ils ont un gros trou dans leur caisse, j'en sais rien. Moi, ils sont en négatif. Et il y a de plus en plus de femmes qui travaillent aussi. Et de plus en plus de pères qui ne payent pas. Oui, mais bon, il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent, je veux dire, pour tout ça. Ce n'est pas une question que ça coûte trop cher et tout. Ça n'intéresse pas, c'est un sujet qui n'intéresse pas, en fait. Oui, c'est pas rentable. Exactement. Ouais, c'est pas du business. La preuve en est, quand on a interpellé franchement les politiques, et je vais laisser le mot de la fin, je pense qu'elle va lire la lettre, on a eu Catherine Fonck qui a répondu en disant que même si elle ne faisait pas de publicité, que ça faisait longtemps qu'elle bataillait par rapport à ce droit pour les femmes et qu'elle déplorait le fait que justement il y ait ce souci de pension alimentaire. On a eu M. Haïdar qui nous avait promis d'interpeller un député fédéral, qui nous avait promis d'interpeller le Parlement par rapport à ça, Mme Winkel, mais dans les faits en fait, personne n'a pris le micro pour dire « Voilà, aujourd'hui il faut dénoncer vraiment un fléau. » Et ce fléau, c'est un cancer en fait qui ne cesse de ronger toutes ces familles, où à un moment donné, il reste un cri, c'est le cri du corps, c'est le cri de la détresse, et on se dit, on s'est trouvé en tant que mère, on a les mains liées, et ce cri, c'est cette lettre-là que Naïmi a fait, et puis qu'elle va lire maintenant, on espère. Fanny, pardon. Vous arrêtez un peu, là. Mais j'avais envie de dire, vous êtes au courant, hein, ce gouvernement Michel qui essaye de saper dans tous les droits. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit aussi, quoi. Hein, c'est comme si... On n'a pas eu d'écho, en fait, à cette lettre. Cette lettre n'a pas eu d'écho. Moi, j'ai été franchement frustrée et touchée du fait qu'on a fait une lettre ouverte à un groupe de politiciens. On les a tous mis dedans pour, à un moment donné... leur montrer que vous ne pouvez pas ignorer cette lettre parce qu'on l'a fait via Messenger et il y a un groupe qui a été créé, donc ils savent qu'il y a un groupe de 15-20 personnes. Donc s'il y en a un qui ne répond pas, l'autre le sait. Donc à un moment donné, on leur a mis face à leur responsabilité. Et moi, j'ai l'impression que finalement, les gens attendent les élections. En fait, ça va peut-être faire du ramdam pour eux, ça va peut-être être une reprise pour leur parti, mais ce n'est pas le but, quoi. Ça doit se faire élection, pas élection, hors élection. Et ce qui est juste triste, c'est que on a beau envoyer un texte, on ne peut pas se permettre d'un texte condensé avec 5-6 lignes parce qu'il y a tellement à dire, il aurait pu être plus long. Finalement, il fait une page. Mais moi, ce que je déplore, ce sont les femmes. Les femmes qui sont femmes, mères comme nous pour la plupart. Et cette nonchalance et cette rejet de même pas... Oui, des femmes politiques qui n'ont même pas pris le temps de nous dire « Écoutez, on revient vers vous plus tard » ou « On a bien reçu votre lettre, on comprend votre situation. » C'est l'ignorance. Donc, ces femmes politiques qui gouvernent aujourd'hui, qui prêchent tout haut le droit de la femme, parce que le 8 mars, on a vu sur tout leur Facebook, hein, « Droit de la femme, contraception, etc. On est là pour vous défendre. » Mais au final, les droits de la femme, c'est... La femme, elle enfante. C'est une imposture. Oui. Exactement, c'est une imposture. Les droits de la femme, oui, on met au monde. Donc, fatalement, on est maman. Après, il y a des couples, heureusement, homo, etc., qui adoptent. Donc, c'est même plus... la journée de la femme, elle est liée à l'enfant. Et là, moi, je leur ai mis dans le mail. On n'attend pas d'eux. On attend d'eux juste, ne serait-ce qu'une réponse. On vous a entendu, on vous a écouté, on va peut-être faire quelque chose. Mais là, quand on ne répond pas et qu'on voit le petit bleu qui dit que la personne, elle a lu... en face, on se dit, mince, quoi, finalement, on est quoi? J'utiliserai pas le terme, mais on est juste ça, en fait. On est relié juste à ce et voilà. On vaut rien, en fait. On est un nom, on est une pauvre parmi tant d'autres, et effectivement, je pense que c'est le nom. On est des pauvres travailleuses. Nous, ni de compassion, hein, parce qu'on se débrouille, pour être vu. Grossièrement parlant, on se démerde, quoi. On a des lois. Il faut que les lois soient mises, soient appliquées à sa juste... Clairement. Parce que imaginez-vous une femme qui a un enfant qui est handicapé, ça, on n'en parle pas. Oui. Quels sont les frais? Elle doit assumer l'handicap de son enfant, déjà psychologiquement, elle, en tant que maman. Plus si le père n'assume pas, Dieu merci, nous, autour de cette table, nos enfants sont comme tous les enfants, mais pour cette pauvre maman qui aurait un enfant qui a un handicap grave ou autre, quel serait ? Donc il faut essayer que les politiciens, pas se mettent à notre place, mais nous comprennent qui soient humains, parce que ça reste, avant d'être des politiciens, ce sont des pères, ce sont des... Je comprends que si tu le vis, hein. Parce qu'à un moment donné, leur salaire n'est pas oui, le nôtre. Tout à fait aussi. Ils ne cessent de dire, vous avez des gros salaires ou vous dépassez le barème, mais j'aimerais bien qu'on se pose sur une table, qu'on compare le salaire de toutes les ministres femmes, tous les ministres hommes, et à un moment donné, qu'on voit ce qu'on peut faire, nous, avec leur salaire et vice-versa. Parce que, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas condamner une personne parce qu'elle a tel et tel salaire. C'est un droit, point, on le restitue. C'est tout, une pension, c'est un droit. Voilà. Tu nous lis alors la lettre que vous avez envoyée et à laquelle il n'y a aucune réponse, quoi, c'est ça. Pratiquement. Deux. Ouais. Lettre ouverte aux politiques. Mesdames, messieurs, cette lettre s'adresse à vous directement. Je prends ma plume et mon plus grand courage afin de dénoncer un fléau qui ronge une grande majorité des familles monoparentales. En date du 30 janvier, paru dans la Libre Belgique, un article relatant le combat d'une mère au quotidien pour élever seule ses enfants. Un combat combien difficile car même si cette dernière travaille, elle doit faire face à un problème de taille. La privation des droits fondamentaux de ses enfants qu'elle a obtenus via un tribunal. Ce droit se nomme pension alimentaire. Malgré un jugement qui condamne le père à payer cette pension, le père organise son insolvabilité au détriment de ses enfants. Un acte criminel pour la maman. Mais ce n'est pas tout car, comme cette dame travaille, elle ne peut bénéficier des avances du SECAL car elle dépasse le barème de 20 euros. Elle ne peut attaquer ce père démissionnaire car il a tourné les talons et ne prend plus ses enfants depuis 3 ans. Impossible aussi de procéder à une saisie sur salaire ou autre car le portefeuille de monsieur officiellement est vide. Alors cette dame subit une double impasse. Celle des règles imposées au SECAL qui l'exclut du système pour cause de plafond et celle de la justice dont la décision ne peut pas s'exécuter vu l'insolvabilité du père. C'est le triste constat de la réalité de ces mères qui se battent chaque jour pour tenir le rôle de père et mère et qui tentent tant bien que mal de maintenir une famille la tête au-dessus de l'eau. Fabienne Winkel, députée fédérale PS, est la seule qui a rebondi sur cet article de la Libre en interpellant M. De Croo pour faire sauter le plafond du SECAL. Son discours était simple, franc, tranchant, mais tellement vrai. Elle était la voix off de ces femmes que personne n'écoute. Même si son parti était à la manœuvre quand le SECAL a été créé et pendant plus de 10 ans ensuite, sans remettre en cause ce plafond, sa parole a donné vie à notre cri. Un cri de douleur, de désarroi, un cri du corps, un cri du cœur. Hélas, malgré cette réaction, très peu ont donné suite à ce combat. J'ai moi-même interpellé de manière personnelle, via Facebook, des femmes politiques, des hommes politiques, mais en vain. Un mutisme profond qui, paradoxalement, résonne comme un coup de marteau. Une fois de plus, ce silence, ce désintérêt pour la femme et l'enfant ne fait pas écho. Il n'est pas d'intérêt public. Il dérange. La pétition mise en ligne par Vie Féminine pour faire sauter le plafond du SECAL doit être prise au sérieux. Faites sauter ce plafond. Il en va du bien-être de nos enfants. Restituez ce droit à nos enfants. Redonnez à ces mères un peu d'espoir pour une vie plus digne. Un enfant n'est pas un bail que l'on peut résilier à tout moment. Il est à durée indéterminée. La place de l'enfant doit être mise en lumière et elle doit être une priorité. Une femme, avec travail ou sans, doit avoir droit au SECAL. Outre que le plafond actuel est ridiculement bas, les enfants n'ont pas à être pénalisés même si leur mère a un salaire supérieur à ce plafond. Voter à l'unanimité pour effacer ce plafond et dessiner un avenir meilleur pour ces mères ou pères, courage qui méritent ce droit qu'on leur a volé. Une dernière chose, je déplore, c'est que tant de femmes politiciennes qui ont vu la pétition n'y ont pas répondu. Vous devez montrer l'exemple et porter ce combat féminin. Quant à vous, messieurs, vous êtes peut-être père, frère, époux. Cette loi vous concerne aussi, car ce n'est pas le procès des pères que nous faisons. Bien au contraire, nous défendons le droit de l'enfant, le vôtre et le nôtre. Au nom de toutes ces femmes oubliées, je vous demande justice. Merci. C'est bien. On fait un petit tour de paroles de fin. On clôture. Chacune réfléchit un petit peu à ce qu'elle a envie de dire sur tout ça, sur peut-être ce qu'on n'a pas dit, ou oui, terminer ce que vous avez envie, comme vous avez envie. Moi, en tout cas, je voulais vous remercier d'être venu à nous et de nous avoir offert ce micro ouvert parce que finalement, mine de rien, c'est le premier micro où on entend nos voix et celles de nos revendications et de nos batailles. Donc, Merci pour ça déjà, c'est la première. Et je pense que c'est un plaisir partagé. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais finalement beaucoup de soulagement parce que voilà, on a pu extérioriser et puis c'est la première aussi interview et puis ça va s'enchaîner et je pense que c'était important de cet exercice aujourd'hui en tout cas était important et j'espère que comme je l'ai dit et redit que ce soit aux politiciens ou autres que ce combat il va être lu, entendu et vu quoi, parce que on fera en sorte pour qu'il soit vraiment entendu. Non pas par des manifestations ou autres, mais simplement pour leur faire comprendre que ce qu'on dit, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est valable. Demain, la situation de tout le monde peut changer. Demain, la personne qui touche des milliers d'euros peut se retrouver dans la même situation que nous. Donc, personne n'est à l'abri de ce qu'on vit aujourd'hui, nous. Et ça, c'est très important. Donc, je tenais aussi à vous remercier par rapport au fait d'être venu à nous. C'est pas évident de sortir de l'ombre parce que c'est une première pour nous. On a décidé de prendre ce courage à deux mains avec les mamans qui sont autour de cette table. Donc voilà, espérons que cette solidarité continuera. D'autres mamans, il y a sûrement d'autres mamans, elles peuvent essayer de rentrer en contact avec nous sans aucun souci. Comme on dit, plus on est, mieux on gagnera. C'est Donc je laisse. Oui, donc l'union fait la force. Hein. Et puis je pense que si on arrive à ce stade aujourd'hui, c'est qu'on a épuisé toutes les autres possibilités et qu'on se dit finalement, autant retrousser nos manches et essayer de se faire entendre, hein, comme l'ont dit mes collègues, je ne sais pas comment on va s'appeler finalement. Et voilà, donc on essaye de faire les choses bien. Peut-être qu'on va se tromper, qu'on va faire des erreurs dans notre parcours, ça arrivera certainement, qu'on ne s'adressera peut-être pas aux bonnes personnes. Mais en tout cas, on espère se faire entendre au maximum. Voilà. Mais voilà, merci beaucoup aussi, Graziella, d'être venue. Moi, je tiens à dire que on parle pour les milliers de femmes qui sont dans le cas. Donc c'est vraiment une cause qu'on a vraiment envie de faire entendre, pas seulement pour nous, mais pour toutes les femmes dans ce cas-là. Et on attend des actions du politique. Et on espère que si des transformations, des réformes se font positivement, que ça bénéficie à tous ces enfants qui sont pas comme les autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Qui ne sont pas comme les autres. C'est-à-dire qui sont dans la précarité et voilà, qui ne se sentent pas bien non plus par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas croire, les enfants savent tout, ils entendent tout. Et voilà. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait ce rendu possible aux enfants d'être dans la norme de tout le monde et de bénéficier autant que les autres de stages de vacances, de classes de neige, etc. quoi. Voilà, qu'ils vivent leur vie d'enfant et voilà. Merci à vous les filles alors.